ce qui est nécessaire comme premier principe et ce que nous devons mettre en évidence, c'est que le premier principe auquel nous sommes attachés en tant que musulmans, c'est le tawhid, l'iman, c'est l'unicité de Dieu, c'est la foi. Le principe pour nous de notre présence en Europe, c'est que nous restions les témoins de ça. Il y a un Dieu et il y a la foi.